الجهات المؤذن ينادي لصلاة العصر حسب توقيت الرباط السلا وما جورهما. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نودي لصلاة العصر حسب توقيت الرباط السلا وما جورهما. تقبل الله صلاة الجميع. Vous êtes à l'écoute de Chaîne Inter. Voici le point d'actualité. Bonjour à tous. L'Union européenne a réitéré aujourd'hui son engagement de long terme aux côtés du Maroc. Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de la 12e session du Conseil d'association Union européenne-Maroc qui s'est tenue à Bruxelles, les 28 États membres de l'UE rappellent que des visites de haut niveau ont permis tout au long de l'année 2014 de renforcer le dialogue politique et stratégique UE-Maroc qui a couvert tant le volet bilatéral que les volets régionaux d'intérêt commun. Il n'y aura pas d'augmentation du prix du pain tant que le blé tendre est subventionné par la caisse de compensation. Le prix du gaz butane ne sera pas non plus touché et l'État continuera à le subventionner. Des affirmations du ministre délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance, Mohamed Louafa, s'exprimait lors du forum de la MAP. Dans l'actualité nationale, toujours, une commission interministérielle a été mise en place pour enquêter sur les circonstances de la détérioration de la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat samedi dernier, suite aux fortes précipitations qui se sont abattues sur la capitale lors du quart de finale du Mondial des clubs de football. C'est ce qu'indique le ministère de la Jeunesse et des Sports dans un communiqué. La commission, composée des ministères de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances et de la Jeunesse et des Sports, sera chargée d'enquêter dans cette affaire, d'identifier les responsabilités et de clarifier les raisons et les motifs des choix et des décisions, y compris celles techniques. Le ministère assure à ce propos que toute personne dont l'implication dans cette affaire sera prouvée sera sanctionnée. C'est un véritable carnage. Un commando taliban a attaqué aujourd'hui une école pour enfants de soldats à Peshawar, principale ville du nord-ouest du pays. Le bilan est très lourd, 130 personnes tuées, la plupart des écoliers. L'armée a mis fin en fin d'après-midi à l'opération après 7 heures de combat contre 6 assaillants envoyés par le mouvement des talibans du Pakistan pour venger l'offensive militaire menée depuis juin dans ses repères des zones tribales voisines. Cette attaque est l'une des plus sanglantes perpétrées ces 10 dernières années au Pakistan. En Libye, un avion appartenant à une coalition de milices islamistes a mené un raid aujourd'hui près du principal terminal pétrolier que défendent les forces loyales au gouvernement reconnu par la communauté internationale. C'est ce qu'a annoncé un responsable pro-gouvernemental. Dans ce contexte de violence, la mission de l'ONU en Libye a condamné la grave escalade militaire et appelé à une fin immédiate des opérations militaires afin de donner une chance au dialogue politique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retour de l'information à 16h. De l'info, du sport, de l'art, de la culture, laissez-vous guider. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me under, underneath the ground. Don't Saying nothing's gonna be okay. Just to let you shoot me down again. On doit retrouver les 15h passées de 14 petites minutes pour être précis. Merci d'être à l'écoute de Chaîne Inter en vous souhaitant bien sûr un très très bel après-midi. Super pluvieux et j'en profite pour parler et m'adresser bien sûr à ceux qui sont sur la route au volant de la voiture. Allez-y super mollo et ce n'est pas la peine de vous presser. Et n'oubliez surtout pas la distance de sécurité entre vous et le véhicule d'en face. Si vous êtes sur la route, n'oubliez pas quand même qu'il faut un minimum de 70 mètres. Bien sûr avec la chaussée qui est mouillée, qui est glissante, donc allez-y mollo et restez à l'écoute de Chaîne Inter cet après-midi, croyez-moi. On va bien sûr apprécier deux belles interviews. Hein. On a passé quand même 10 jours à Marrakech et on n'est pas revenu les mains vides puisque nous avons eu le plaisir et l'honneur de faire deux belles rencontres. La première avec Asma Khamlichi qui joue bien sûr dans le film Paris Pimenté qui était un coup de cœur de cette année au Festival de Marrakech. Et la deuxième rencontre, c'est celle avec Mounaftou qui jouait dans le film L'Orchestre des Aveugles de Mohamed Mouftakir et qui était en compétition cette année au festival. En tout cas, la rencontre avec Asma Khamlichi, ça sera tout à l'heure à partir de 16h. Et sinon, Mounaftou, c'est à partir de 17h. Et sinon, d'ici 15h40, on va patienter avant de retrouver Saïda Sebaré pour le billet de la science. Dans quelques instants, les sorties cinéma au niveau international. Et n'oublions pas, bien sûr, qu'en fin de journée, la rubrique JDD, le journal du design avec Amina, qui nous dresse le portrait de feu Jeff Koons. Allez, on démarre en musique avec Elisa Doolittle, Walking on Water. À tout de suite. Every day that we're apart, what can I say? When I know I should be living every second like it's my last. What we have is amazing, babe, but it comes and goes like an aeroplane. I'm done with small doses, dipping my toes in. I'm about to die from the white cliffs of Dover. Jesus, I get my Amex on. Run across the sea for you. Some nights I just need to see you and cuddle in your arms. Super bien dit, interprété surtout par Mister Abder, jeune chanteur marocain résident en Belgique et bien sûr qui n'oublie pas Chaîne Inter en lui envoyant ses tout derniers singles. 15h22 minutes, on va tout de suite parler 7e art avec Tommy Lee Jones qui est cette fois devant et derrière la caméra puisqu'il se met à la réalisation du film The Houseman. Les détails, c'est tout de suite avec Amina dans la chronique cinéma. Bonjour, à l'affiche le film The Houseman, réalisé par Tommy Lee Jones, que l'on retrouve aussi en tête du casting aux côtés de Hilary Swank et Miranda Otto. Ça se passe en 1854. Trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary B. Cady, une pionnière forte et indépendante, originaire du Nebraska. Sur sa route vers l'Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elles croisent le chemin de George Briggs, un vagabond qu'elles sauvent d'une mort imminente, et ils décident de s'associer afin de faire face ensemble à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues de la frontière. Oh, oh, oh. Vous êtes un ange? Sauvez-moi! Et si j'accepte, qu'allez-vous faire pour moi? ce que vous voulez, ce que vous voulez. Je m'appelle Cuddy. Marie B. Cuddy. Et monsieur Cuddy? Ce n'est pas courant, mais je vis seul. C'est quoi le boulot? Trois femmes des environs ont perdu la raison. Leurs maris ne peuvent plus s'en occuper. Vous et moi, nous allons les ramener dans l'Iowa, de l'autre côté du fleuve. C'est votre travail, et vous avez juré de le faire. C'est pour ça que je vous ai libéré. 5 semaines avec vos 3 folles, j'ai comme l'impression d'avoir perdu au change. The Homesman est un projet de longue date qui devait être à l'origine réalisé par Paul Newman et qui en avait acquis les droits bien avant que le roman ne sorte en librairie. Le fils de l'auteur, Miles, avait quant à lui été désigné pour écrire le scénario du long métrage où Newman devait incarner le personnage de mercenaire George Briggs. Le réalisateur américain Sam Shepard a été intéressé pour adapter le livre au cinéma mais n'est jamais parvenu à obtenir les droits des mains de la Sony. Votre voyage sera long, difficile et dangereux. Je m'y attendais. Vous ferez 3 types de rencontres dans les parages. Il y aura des colons qui veulent pas voir de folles et des Indiens qui vous tueront. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tout ce qu'on peut leur donner. Une belle équipe, vous et moi. L'actrice Hilary Swank, et qui incarne Mary B. Cuddy, une pionnière de l'Ouest américain en charge de transporter 3 femmes folles du Nebraska jusqu'en Iowa, a appris à monter à cheval à la manière des cavaliers du 19e siècle. Pour les besoins du tournage, la comédienne a également dû manier les rênes d'un chariot tiré. Ne ratez pas le film de Tommy Lee Jones, The Homesman, en salle cette semaine. Bonne suite de programme sur chaîne Inter et très bonne journée à tous. Vous écoutez without a nickel. exist in another place, running on the cover of a helicopter blade. Flames are getting higher in effigy, burning down the bridges of my memory. Love may still be alive somewhere, somewhere. Light it up, light it up, light it up. I can still feel a touch of your thin blue jeans. Running down the alley, I got my eyes all over you, baby. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis le toujours et puis s'est enfoui. Possible.

Khadija, Khadija, ça c'était Mr. Hatim Amour. Et un petit coucou à toutes les Khadija qui nous écoutent, et spécialement ma maman qui se reconnaîtra. En tout cas, un grand big up aussi à l'équipe avec moi cet après-midi, Mounir Lwardi, c'est comme ça qu'il s'appelle, et Fatem Zahra Yassine à la réalisation. Et tout de suite, on va parler, ou plutôt se concentrer, pardon, sur le cas de cette femme qui ne voit que des têtes de dragon au lieu des visages humains. Oui, oui, ça existe. Et les détails tout de suite avec Saïda Sebari dans les billets de la science. Bonjour à tous et bienvenue dans le billet de la science. C'est l'histoire proprement hallucinante d'une femme de 52 ans qui consulte dans un hôpital privé psychiatrique à La Haye, aux Pays-Bas, pour des symptômes qui défient le sens commun. Elle raconte que les visages des personnes qu'elle voit se transforment progressivement en têtes de dragon et que plusieurs fois par jour, des visages lui apparaissent totalement déformés. Cette patiente peut percevoir et reconnaître les visages, mais ceux-ci se métamorphosent en l'espace de quelques minutes. Ils s'assombrissent et s'allongent, en même temps qu'apparaissent des oreilles pointues, un nez proéminent et d'énormes yeux brillants, jaunes, verts, bleus ou rouges. La peau du visage ressemble de surcroît à celle d'un reptile. Depuis la naissance ou la petite enfance, cette femme présente une prosopométamorphopsie, un syndrome qui se traduit par une distorsion des visages perçus. Parallèlement, elle éprouve un type particulier d'hallucination visuelle à type de visage. On a peine à imaginer le calvaire qu'a dû endurer cette femme qui voyait plusieurs fois par jour des têtes de dragon se diriger vers elle en sortant des murs, des prises électriques, d'un écran d'ordinateur. La nuit, elle observait de nombreuses têtes de dragons dans l'obscurité. Les psychiatres néerlandais notent qu'il est surprenant que les symptômes visuels ressentis par leur patiente depuis son plus jeune âge aient pu passer inaperçus auprès de sa famille et de ses amis. Ses parents étaient bien au courant de son trouble, mais avaient étrangement conclu qu'il était l'heureuse conséquence du fait que leur enfant était né coiffé. La coiffe est une partie membranaire de la poche des os qui recouvre parfois la tête de l'enfant à l'accouchement. Cette interprétation métaphysique explique que les parents de la fillette n'aient à aucun moment cherché à la faire examiner par un médecin ou à en parler à ses professeurs. Malgré ses épouvantables troubles visuels, et sans aucun doute grâce à une incroyable détermination à les surmonter, la jeune femme parvint à terminer l'école secondaire, à se marier, être mère et devenir administratrice d'une école. Sa difficulté à percevoir durablement les visages de ses interlocuteurs va cependant immanquablement entraîner des problèmes de communication et des conflits à répétition, ce qui l'oblige à souvent changer d'emploi. Angels watching over me with smiles upon their face, 'cause I have made it through this far in an unforgiving place. I'm rendezvous to see a man of miracles and all that he can do. I checked in at reception, put my hat to my lap, and when he walked in dressed in white, I had a heart attack. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Superman. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Wanna do. Des moments de partage sur des sujets qui vous concernent. Prenez la parole sur Chaîne Inter tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Je vois tes yeux, je suis amoureux quand j'entends ta voix. En tout cas, ça c'est du bon son que nous livre Dany Briand. Merci de l'écouter sur chaîne Inter en vous souhaitant un excellent après-midi. En rappelant bien sûr les rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h20 exactement, l'interview ou la rencontre si vous préférez avec Asma Khamlechi, l'actrice que tout le monde adore et qui vient de jouer dans le tout dernier film de l'ACTA. Il s'agit bien sûr de Paris Pimenté avec Asma Khamlechi que vous allez retrouver sur chaîne Inter à partir de 16h20. Ce n'est pas fini, parce qu'on ne revient pas de Marrakech les mains vides. 17h15 exactement, nous aurons bien sûr le plaisir de vous diffuser l'interview et la rencontre avec Mounaftou, qui elle par contre joue dans le film L'Orchestre des Aveugles de Mohamed Mouftakir. Dans quelques instants bien sûr, rendez-vous avec le point sur l'actualité de 16h. En attendant, Roxette, ils sont de retour, ils sont toujours au top. Les voici sur chaîne Inter avec Possible. Got to write a tiny note to you. Des clubs de la FIFA présentés par Toyota et de retour au Maroc. Du 10 au 20 décembre 2014, le Real Madrid, San Lorenzo d'Almagro d'Argentine, Cruz Azul du Mexique, Auckland City de Nouvelle-Zélande, l'Entente Sportive de Sétif d'Algérie, Western Sydney Wonders d'Australie, ainsi que le Maghreb Athlétique de Tétouan, vainqueur de la Botola, s'affronteront pour le titre mondial. Rendez-vous avec les plus grands du football à Rabat et à Marrakech pour vivre la Coupe du Monde des clubs de la FIFA Maroc 2014, présentée par Toyota. Excellent après-midi à tous. Tout de suite, il est 16h. Sophia Fagroud, l'essentiel de l'information. Bonjour à tous. Pas d'augmentation du prix du pain tant que le blé tendre est subventionné. Le ministre délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance Mohamed Louefa s'est voulu rassurant lors du forum de la BAP. De même, l'État continuera à subventionner le gaz butane. Mohamed Louefa a tout de même souligné qu'il s'agit d'une question épineuse, sachant que seulement 38% de cette matière est consommée par les ménages, alors que le reste est destiné au secteur productif. Le Conseil de Banque Al-Maghrib a décidé d'abaisser une nouvelle fois le taux directeur de 25 points de base à 2,5%. Objectif, maintenir le déficit budgétaire à des niveaux soutenables et poursuivre l'amélioration du niveau des réserves de change. Le Conseil de Banque Al-Maghrib avait décidé en septembre dernier d'abaisser le taux directeur à 2,75%. L'UE soutiendra de façon substantielle la nouvelle politique migratoire du Maroc. Dans sa déclaration sanctionnant les travaux de la 12e session du Conseil d'association Maroc-UE et qui s'est tenue à Bruxelles, l'Union européenne fait part de sa volonté d'appuyer le Maroc dans la mise en œuvre de cette politique, étant donné que le Royaume est le premier pays d'Afrique du Nord à adopter une véritable politique d'immigration, y compris la création d'un office pour les réfugiés et la mise en place d'un système de lutte contre la traite des personnes. Vive condamnation dans le monde après l'attaque visant une école au Pakistan et qui a fait 130 morts, la plupart des enfants. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, condamne un acte odieux. Le président américain Barack Obama a dénoncé une attaque terrifiante et odieuse. C'est l'un des attentats les plus meurtriers au Pakistan depuis 10 ans. L'école est fréquentée par des enfants de soldats à Peshawar. Les talibans disent venger l'offensive militaire menée depuis juin dans ses repères des zones tribales voisines. La Russie est entrée dans la très dangereuse spirale de la crise monétaire malgré les mesures radicales adoptées ce mardi pour enrayer l'effondrement du rouble. En 15 ans à la tête de la Russie comme président et comme premier ministre, Vladimir Poutine n'a jamais géré une crise comparable. Il n'a toujours pas pris la parole. Le rouble n'en finit pas de toucher le fond et les Russes font la queue à présent pour transformer leur rouble dévalué en euros ou en dollars. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve dans moins d'une heure. Je n'entends recette pour ce soir. Vous avez une question sur votre santé ou celle de vos enfants, ou sur un autre sujet vous préoccupant? Soyez des nôtres sur Chaîne Inter, tous les matins, entre 9h et midi. Family Mag et ses spécialistes répondent à toutes vos questions. Family Mag, le rendez-vous de la famille sur Chaîne Inter. Walking on Broken Glass, ça c'était Annie Lennox et ça c'est du son qui nous rappelle les années 90 que vous écoutez bien évidemment sur les ondes de Chaîne Inter. En vous remerciant bien sûr de vous joindre à nous et vous êtes sur la bonne fréquence parce que dans 10 minutes exactement, la rencontre avec Asma Khamlechi, l'actrice que tout le monde adore. Bien sûr, on l'a rencontrée à Marrakech, il fallait absolument partager cette rencontre avec vous. Et je rappelle aussi qu'à 17h15, ce n'est pas fini puisque nous aurons aussi le plaisir de partager avec vous notre rencontre avec Mounafto. En attendant, place à la musique. Bien évidemment, en vous souhaitant une bonne fin de journée. À tout de suite. If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters, whatever it was,

little autumn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Such a birthday, yeah. I just haven't met you yet. Je t'aime. Wetklem, ça c'était Nabil Aman, bien évidemment, que vous écoutez sur les ondes de chaîne Inter. Il est 16h22 minutes. En vous souhaitant une bonne fin de journée, un très très bel après-midi, super pluvieux à l'écoute de nos programmes. Vous tombez super bien parce que là, on va tout de suite partager avec vous notre rencontre avec Asma Khamlichi, l'actrice qui joue dans le tout dernier film de Mohamed Karat, Un Paris Pimenté. Nous l'avons rencontrée à Marrakech. Voici ce que ça donne. 15h-18h, c'est le Maroc avec Hicham. J'ai le plaisir d'avoir avec moi celle qu'on surnomme désormais la Catwoman du tapis rouge au festival. Elle est présente bien sûr à Marrakech parce qu'elle est à l'affiche du tout dernier film de Mohamed Karat. Il s'agit d'un film nommé Paris Pimenté et j'accueille avec un immense plaisir sur les ondes de chaîne Inter Asma Khamlichi. Bonjour Asma. Bonjour Hicham, ben, écoute, tu me fais vraiment plaisir de me dire la nouvelle, mais je ne suis pas au courant. Apparemment maintenant je deviens la Catwoman. Bah avant j'étais la rose du cinéma marocain, bah, maintenant j'ai un autre surnom, enfin un autre qui est... Oui, oui. Ben écoute, je suis ravie. Alors Asma, on va bien sûr mettre les auditeurs dans le bain. Je rappelle que tu es à l'affiche du film de Mohamed Karat, Un Paris Pimenté. Si tu pouvais pitcher un petit peu l'histoire aux auditeurs, ça serait sympa de ta part. Oui, je vais essayer de quand même laisser le suspense. Alors, en général, je peux te dire que c'est une comédie romantique à l'américaine, très légère et sympathique. Bien sûr, il y a une histoire d'amour et puis il y a un pari, comme le titre le dit bien, un pari pimenté. Mkhatra al-harra. Alors voilà, il y a deux jeunes hommes qui font un pari pour dîner avec une actrice connue, une star, qui est Yasmine, que j'incarne. Et ça fait quoi d'être l'objet d'un pari, Asma ? Bonne question, ouais. Eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'au début, elle va y croire parce que c'est un gros mensonge. C'est quelqu'un qui va il va mentir. Il va lui dire, je vais de bientôt mourir et mon souhait, c'est de dîner avec vous. Et voilà, il arrive et bon, on imagine la suite. Elle se prend en affection avec lui, elle est attendrie, c'est la star gentille avec beaucoup de cœur et tout. Et puis voilà, après, bien sûr, on sait la vérité, mais je vais pas vous dire la suite. Comment je me sens rien, il y a rien de, j'ai pas l'ego qui rentre là-dedans parce que j'interprète un personnage et quand je suis dans un personnage, je ne suis plus Asma, je suis au service de ce personnage. Franchement, je vais revenir quand même à ton nouveau surnom, Catwoman, parce que on t'a pas surnommé Catwoman pour rien du tout. Il faut l'expliquer aux auditeurs que cette fois, Asma Khamlichi se dépasse. Et quand je dis se dépasse, elle se dépasse physiquement, parce que elle se la joue façon Kill Bill. Hein, elle se la joue façon Kill Bill. Et j'aimerais bien que tu confirmes ça, Asma, s'il te plaît. Hein. Alors, c'est pas, je ne suis pas. J'ai pas inventé ça toute seule, hein. C'est aussi grâce à Mohamed Karat qui est très dans les effets spéciaux, dans les combats, dans les machins. C'est un amoureux de ça depuis très jeune. Et avec qui on a travaillé avec des cascadeurs, mais d'un grand calibre. C'est des cascadeurs avec qui il travaille avec des films américains, des grands films. Ah oui, avec des chorégraphies, c'est seulement des Marocains qu'ils ont appris sur le tas, Aouar Zazet. Je suis vraiment épatée. Ben, on a appris beaucoup de tous ces films étrangers qui sont venus se tourner au Maroc. Alors, ils m'ont aidée avec cœur. Et Benzekour, qui est un acteur, il a gagné je ne sais pas combien de prix d'arts martiaux dans le monde, il a fait la chorégraphie. Alors, j'étais très bien entourée, j'ai eu beaucoup de chance. Mais il fallait que j'aie une condition physique hein, pour faire mes pirouettes et me bagarrer et faire les grands écarts. C'est quand même... il fallait avoir une condition. J'ai eu de la chance, comme tu connais très bien ma carrière avant. J'étais gymnaste et danseuse. Et après ces deux carrières, j'ai continué pour mon plaisir personnel le yoga, qui a gardé quand même une condition physique. Parce que c'est 15 ans après, hein, je vais pas te dire mon âge, mais je me sens vraiment jeune, en forme, en bonne condition, mieux qu'une jeune fille de 20 ans. Et croyez-moi, il faut la croire sur parole, hein, parce que dommage qu'on soit à la radio, mais elle est toujours aussi rayonnante, Asmar Khemlechi. Asmar Khemlechi, je rappelle, qui est à l'affiche d'un film coup de cœur de cette 14e édition du festival Paris Pimenté de Mohamed Kerat. Et moi, j'ai envie quand même, hein, donc, de revenir justement sur ta carrière, parce que là que tu me parles de production internationale, on rappelle quand même que tu n'étais pas, on va dire, prédestinée à être actrice, parce que tu as été gymnaste, tu as été sportive professionnelle, et ta carrière en fait au cinéma a démarré au niveau international avec des productions étrangères, si j'ai bien compris. Oui. Alors comment tu t'es retrouvée là-dedans, puisque si j'ai bien compris, juste avant il y avait la télé, donc tu avais commencé à animer une émission télé avant de te retrouver dans des productions étrangères, alors que tu n'étais pas du tout prédestinée à être actrice. Est-ce que au fond de toi tu voulais l'être? Alors juste une parenthèse, je finis juste ce que je voulais dire tout à l'heure. Cette scène-là du film de combat, cette scène de combat est digne de Kill Bill. Vraiment digne de Kill Bill, très bien filmé. Je remercie Si Mohamed, très bien filmé, très bien chorégraphié, et voilà. J'étais rien que pour ça, je fais 3 films. Rien que pour une petite scène de 2 minutes. Magnifique, vraiment magnifique. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai commencé avec d'autres disciplines qui n'ont rien à voir avec l'acting et le jeu d'acteur. J'ai atterri là-bas sans faire exprès. On m'a appelé et j'ai pris plaisir. Et comme je suis quelqu'un de discipliné, et une formation strict militaire, exactement, gymnaste, voilà, danseuse, rigueur vraiment à 100%, j'ai pris mon métier avec sérieux et avec cœur, et je suis allée me apprendre plus et faire des ateliers, des séminaires. Jusqu'à maintenant, je le fais jusqu'à maintenant, et ça m'a vraiment beaucoup appris et beaucoup amélioré. Entre temps, j'ai appris aussi avec des réalisateurs formidables avec qui j'ai travaillé, comme Nargis Njar, où j'ai fait 6 films avec elle, Hakim Nouri, qui est un très bon réalisateur et directeur d'acteurs. Bon, et chacun t'apporte quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, je peux dire, à 15 ans d'expérience et 15 ans de métier, une vingtaine ou trentaine de films dans ma carrière, je peux dire que maintenant, je peux dire que je suis actrice, comédienne. De l'info, du sport, de l'art, de la culture, laissez-vous guider. In a little tent, and oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Something beyond the sky. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Keeps telling me don't hang around. It's been a long, long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. Yes, so now I go to my. And I say, brother, help me please. how he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there were times I thought I wouldn't last for long. Now I think I'm able to carry on. It's been a long, long time coming, but I know a change gon' come. Yes, it will. Oh, I know a change gon' come. I said I know. Asmar Mlegi, moi, il faut le reconnaître, on te voit souvent dans des téléfilms, dans des films cinéma. Tes rôles ne se ressemblent pas. Est-ce que c'est un des critères de sélection des scénars, Asmar? J'ai compris au début, quand j'ai commencé cette carrière, de savoir gérer sa carrière. Hein, et j'ai essayé de ne pas avoir un cliché sur mon dos. Parce que mon plaisir, c'est de me faire plaisir dans ce que je fais. Si je suis obligée de faire quelque chose pour quelconque chose, ou manger, ou n'importe, ce n'est plus un plaisir, et je vais perdre ce lien sacré avec ma passion. Et ce lien sacré qui pour moi le plus important, parce que j'avais un lien sacré quand j'étais danseuse, et maintenant c'est la même chose, je fais de la même manière avec le acting. C'est quelque chose de sacré. Un personnage on donne vie à un personnage, alors c'est sacré. Et je le prends vraiment au sérieux. Il y a une chose aussi, pour moi, l'acteur, c'est quelqu'un qui doit être vraiment cultivé. Cultivé, il se nourrit de quoi? Comment il peut sortir ses émotions? Et avec quoi il va se nourrir? Il se nourrit de l'art, de la culture, de la lecture. Ça veut dire qu'il doit avoir une connaissance dans la musique, dans la danse. C'est ma formation. Quand on est danseur, on a l'oreille musicale. Du théâtre, de la lecture, des livres, lire, mon Dieu, voir des expos de peinture, d'avoir des connaissances sur la photographie, sur le cinéma. Bon, voilà. Faire son propre bagage. Ah ben c'est la seule nourriture pour l'acteur. Hein. Pour moi, l'acteur qui n'est pas cultivé, où il n'est pas instruit, bon, c'est pas... Bon, il lui manque quelque chose quand même, même s'il a du talent. Voilà. Je te remercie Asmar Mlegi, parce que venant de toi et pour les auditeurs et surtout pour les jeunes, j'espère que le message est reçu 5 sur 5, parce qu'on n'arrête pas de le répéter. Quoi qu'on fasse dans le domaine artistique, il faut se cultiver, nourrir ses ménages tout simplement. Ça c'est très important, et il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui finit par payer. Et Asmar Mlegi est très très bien placée pour confirmer ce que je dis, parce qu'elle a travaillé et ça ne vient pas tout seul. J'ai envie quand même de te poser la question, où en est la danse? Là tu es yogi, mais où en est la danse? Est-ce que tu pratiques toujours? Parce que j'imagine que c'est un virus qui n'a pas dû disparaître. La danse, j'étais professionnelle, on donnait des spectacles et c'était très, très beau ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas être amateur par la suite. Je préfère arrêter une carrière ou un niveau bien et ne plus voir que mon corps ne peut plus sauter ou ne peut plus faire les deux pirouettes que je faisais ou des choses comme ça. Ce n'est pas c'est comme ça, la carrière d'une danseuse, elle finit à un certain âge, elle finit, c'est tout. Et on passe à autre chose. Mais j'ai découvert quelque chose de magnifique, le yoga, qui t'a aussi, il n'y a pas de niveau, hein. On peut évoluer. Plus on prend de l'âge et plus on prend de la maturité spirituelle, et plus on fait mieux nos mouvements et on est encore meilleur yogi, parce que c'est en relation avec la tête, c'est de l'équilibre, c'est plein de choses. Et voilà, il y a une passion aussi que j'ai découvert, que j'ai adoré, c'est le surf. Oui, ben comme j'habite à Casablanca, en face de la mer, Diab, je descends avec ma combi et ma planche blanche à dialer, auquel je suis les vagues quand ils sont pas trop hygiène, quand ils sont pas trop gros. Alors c'est un plaisir, vraiment. C'est il y a le contact avec la mer, on comprend plein de choses, et il y a un langage avec la mer. Il y a des fois, il y a des trous, on sait qu'il ne faut pas aller de ce côté-là, il faut aller là, il y a le courant, il y a la vergue, elle est comme ci, comme ça, il y a plein de choses à découvrir. Bon, ça c'est mon prochain peut-être film. Un point break à la marocaine avec Asma Khmelichi. Non mais je te remercie pour ce scoop. Maintenant je sais que Asma Khmelichi, les auditeurs aussi, que maintenant son petit truc, sa petite faiblesse, c'est le surf. Why not? Parce que en coup de cœur, j'ai vu un film qui s'appelle c'est un film sur quelqu'un qui est passionné de la planche à voile. Et je sais que c'est très difficile à filmer. Et je remercie ce réalisateur qui est un réalisateur de Pays-Bas, je pense. C'est une histoire marocaine, pure marocaine, que Khadija Alami a produit. Magnifique. Alors, peut-être le prochain surnom, ça va être la surfeuse. Pourquoi pas, en tout cas. Merci d'être avec nous, Asma Khmelichi. On va bien sûr, avant de finir, avant de te libérer, te poser la question automatiquement entre la France, le Maroc et les États-Unis. Où est-ce que tu te sens à l'aise? Où est-ce que tu es bien? Je suis bien partout, parce que je suis citoyenne du monde. Et depuis petite, je n'aimais pas les frontières. Et j'ai tout fait, croyez-moi que j'ai tout fait. Depuis petite, j'étais consciente que je ne pouvais pas avoir de frontières et ne pas pouvoir aller là ou là ou là. Et j'ai fait de sorte que j'ai ma liberté, et je l'ai. Je l'ai. Alors, elle a dit... Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu, ma liberté. On connaît très bien avec tout ce qui se passe dans les pays. L'Afrique n'a pas le droit de voyager ailleurs. Mais eux, ils ont le droit. Mais bientôt, ça va être le contraire. C'est nous qu'on va faire le visa sur les Européens, parce que ça va très mal avec la crise. En tout cas, c'est très, très... très, très bien ton émission, et je suis ravie, mais vraiment ravie de faire cette interview avec toi, Hicham. Je te remercie, c'est moi qui te remercie. Merci Asma, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Prochain rendez-vous sur le grand écran, est-ce que tu as des scénars, est-ce que tu sais déjà où est-ce que tu seras, est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur le prochain film de Asma? En deux mots, je ne parle pas des choses qui ne sont pas encore concrètes, c'est... Il y a des discussions de sujets et de films, mais pour le moment, je préfère me concentrer, donner toute mon énergie, comme je suis yogi, hein, pour un pari pimenté qui va sortir l'année prochaine, Inch'Allah. Et dès que j'ai des choses signées, concrètes, je viens te le dire. Merci Asma, on tâchera bien sûr de l'accueillir juste après la sortie nationale du film, donc à Paris Pimenté de Mohamed Karat, à l'affiche. Asma Khmelichi qui est avec nous sur chaîne Inter. On se dit à tout à l'heure. 15h-18h, c'est le Maroc avec Hicham. Toujours avec vous, chaîne Inter. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder.

different voices in my mind saying problem with the lifestyle. She's ending now. Liar, liar. She's on fire. She's waiting there around the corner. Just a little air. It's gonna jump on ya. Fermer son cœur et cœur se tient à un mur de douleur. Une voix à la radio dit que dans les prochains jours, il fera très beau. Un homme est passé, un homme qu'elle a aimé, un homme qui n'a pas voulu rester. Il est passé là dans sa vie sans s'arrêter. Un homme est passé, un homme elle a aimé, c'est comme une dernière volonté. Ça s'est passé là quand sa vie s'est arrêtée. S'est arrêtée. Elle ferme les yeux, se perd un peu. Elle voudrait croire que c'est bien ce qu'elle veut. Ne plus penser, l'oubli qui dit mieux. Juste oublier ou se couper en deux. La voix que la terre a tremblé encore à Tokyo. Un homme est passé, un homme qu'elle a aimé, un homme qui n'a pas voulu rester. Il est passé là dans sa vie sans s'arrêter. Un homme est passé, un homme elle a aimé, c'est comme une dernière. Passé là quand sa vie s'est arrêtée. Souffrir, dit-elle, souffrir m'aurait suffi, pourvu que l'amour soit un vil, qu'il m'aime pour lui, seulement pour lui, parce qu'être aimé, c'est être utile. Magnifique duo qu'on vient d'écouter sur les ondes de chaîne Inter, Pascal Obispo avec Élodie Frégé, un homme est passé. Et ça, c'est bien sûr du son qu'on écoute sur chaîne Inter. Il nous reste 4 minutes exactement avant d'arriver au prochain point sur l'actualité, celui de 17h. En attendant, encore une fois, le King avec ses très très belles chansons, extraites de son premier album posthume, Michael Jackson, I'm So Blue, c'est sur chaîne Inter. His eyes asking me to love you and often be your friend. There you are, I walk alone, telling me to love you and often be your friend. She told me she'd given me a lifetime love forever true, but she left me. I'm a man, and I'm singing to keep from feeling blue. All I know is you're the guy that I don't know. Oh, no. You're the guy. what will I do? I can't help. I'm holding on. Don't seem to love me. I feel I am your fool. They told me you should sing a song of happy when you're feeling blue. I've been singing for so very long. Still I'm crying. Tell me, what should I do? All I know is you're the guy. Excellente fin de journée à tous à l'écoute de nos programmes. Il est tout juste 17h. Sophia Fagolo, tout de suite pour un point sur l'actualité. Bonjour à tous. Pas d'augmentation du prix du pain tant que le blé est tendre et subventionné. Le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance de l'UEFA s'est voulu rassurant lors du forum de la MAP. De même, l'État continuera à subventionner le gaz butane. L'UEFA a tout de même souligné qu'il s'agit d'une question épineuse, sachant que seulement 38% de cette matière est consommée par les ménages, alors que le reste est destiné au secteur productif. Le conseil de Banca Marib a décidé d'abaisser une nouvelle fois le taux directeur de 25 points de base à 2,5%. Objectif, maintenir le déficit budgétaire à des niveaux soutenables et poursuivre l'amélioration du niveau des réserves de change. Le conseil de Banca Marib avait décidé en septembre dernier d'abaisser le taux directeur à 2,75%. L'UE soutiendra de façon substantielle la politique migratoire du Maroc. Dans sa déclaration sanctionnant les travaux de la 12e session du Conseil d'association Maroc-UE et qui s'est tenue à Bruxelles, l'Union européenne fait part de sa volonté d'appuyer le Maroc dans la mise en œuvre de cette politique, étant donné que le Royaume est le premier pays d'Afrique du Nord à adopter une véritable politique d'immigration, y compris la création d'un office pour les réfugiés et la mise en place d'un système de lutte contre la traite des personnes. Le bilan des attaques contre une école à Peshawar au Pakistan s'est alourdi. 141 morts, dont 132 enfants. L'attentat a été perpétré tôt ce matin par un commando taliban contre une école pour enfants de militaires. Les talibans disent venger l'offensive militaire menée depuis juin dans ses repères des zones tribales voisines. C'est l'un des attentats les plus meurtriers au Pakistan depuis 10 ans. Les réactions se multiplient à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, condamne un acte odieux. Le président américain Barack Obama dénonce une attaque terrifiante. En Syrie, près de 200 soldats djihadistes ont péri en 24 heures lors de la prise de deux bases militaires par la branche d'Al-Qaïda dans le nord-ouest du pays. Information rapportée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG ajoute que par ailleurs qu'au moins 120 soldats du régime de Bachar al-Assad ont été faits prisonniers par le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Al-Nusra appuyé par deux groupes islamistes radicaux a infligé hier une gifle au régime en s'emparant en quelques heures des bases militaires stratégiques de Wadi Daif et Hamdinia dans la province d'Idleb frontalière de la Turquie. En Russie, le rouble n'en finit pas de toucher le fond malgré les mesures radicales prises par la Banque centrale de Russie. Après une chute de 9,5% sans précédent depuis la crise financière de 1998, la monnaie russe a plongé de plus de 20% dans l'après-midi. L'euro a dépassé le seuil inimaginable de 100 roubles et le dollar 80 roubles. Cet effondrement est la conséquence directe des sanctions économiques décrétées par les Occidentaux pour punir l'attitude du président russe dans le dossier ukrainien et de la chute vertigineuse des cours de pétrole. Vladimir Poutine est impuissant face à une crise aux conséquences dramatiques pour la population. Fin de ce point de l'actualité. Prochain retour de l'information à 18h. Restez à l'écoute de Channel Inter. Embarquez sur les ondes de votre station préférée. Embarquez sur Channel Inter. Channel Inter, la radio qui fait la différence. Amadou et Mariam qu'on vient d'écouter sur les ondes de Chaîne Inter. Il est 17h passé de 12 minutes exactement, la dernière ligne droite. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 18h bien sûr avec les rubriques à venir. 17h30 bien évidemment on va retrouver Amina qui va nous dresser le portrait de Jeff Koons, bien sûr décédé récemment. Et juste avant, je rappelle qu'il y a l'appel à la prière du Morlob qui est prévu sur la région de Rabat à 17h24. Et tout de suite, comme promis, nous ne revenons pas de Marrakech les mains vides après la rencontre qu'on a partagée avec vous tout à l'heure de Asma Khemlechi. Là, c'est parti pour retrouver Monaftou. Monaftou, actrice, animatrice télé aussi, ne l'oublions pas. Elle est à l'affiche du tout dernier film de Mohamed Mouftakir, l'Orchestre des Aveugles, aux côtés de Younes Megri. Nous avons rencontré Monaftou et voici ce que ça donne. Excellent après-midi sur Chaîne Inter avec Hicham. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur les ondes de Chaîne Inter celle qui joue dans le film en compétition au festival de Marrakech cette année. Il s'agit bien sûr du film de Mohamed Mouftakir, L'Orchestre des Aveugles. Et c'est un immense plaisir d'avoir celle qui joue le rôle de Halima, la maman du personnage principal, Monaftou. Merci d'être avec nous sur Chaîne Inter. Bonjour et merci à vous, merci aux auditeurs. Et c'est tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et c'était un vrai plaisir aussi de travailler dans le film de Mohamed Mouftakir qui est en compétition. Et pour moi, c'est une fierté cette année. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à être là. Franchement, moi j'ai envie de dire bravo pour Monaftou, une actrice super confirmée, une star carrément que tous les Marocains adorent. Mais cette fois, j'ai eu l'impression de découvrir une nouvelle facette de Monaftou avec ce personnage de Halima dans ce film. Je ne sais pas si vous confirmez ou pas. En tout cas, ça me touche beaucoup que vous ayez fait attention à ça, parce qu'effectivement, ce personnage est très particulier pour moi. Ma présence, elle était très particulière, et j'ai fait un travail sur le personnage pendant une longue période avec Mohamed Mouftakir pour essayer de comprendre, parce que nous savons que le film est autobiographique, donc je jouais un peu la maman de Mohamed Mouftakir quand il était petit. Donc j'ai vraiment essayé de comprendre ce qu'il voulait dire de ce personnage. Et donc j'ai fait ce travail et je pense aussi que j'ai atteint une certaine maturité dans mon jeu, je pense que c'est plus un jeu intérieur, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? mais justement, parce que vous faites bien de parler de Mohamed Mouftakir, parce qu'on le rappelle que l'histoire est assez autobiographique, bon, on va dire au moins 50%, et j'imagine que la difficulté ou le défi ou le challenge qu'avait Monaftou, c'est qu'elle devait satisfaire en fait deux personnes en même temps, le réalisateur et le fils de Halima. Tout à fait, surtout le fils de Halima. Et c'est vrai que cette confusion... Et les deux, c'est Mouftakir. Voilà, et c'est très, très, très... C'est très délicat. Parce que nous savons quel est le rapport d'un enfant avec sa mère. Bon, Mouftakir a choisi de parler dans ce film de son père, mais indirectement, il a aussi parlé de sa mère, parce que, qu'il le veuille ou pas, la maman a toujours un poids dans la vie d'un enfant, c'est ce qui le conditionne pour le reste de sa vie. Donc c'était très délicat de comprendre un petit peu comment la mentalité de Mimo. Bon, alors on va parler de Mimo, voilà. Donc de comprendre sa mentalité et de ce qu'il voulait exprimer à travers sa mère. Donc j'ai essayé de m'approcher le plus possible. J'espère que j'ai donné satisfaction au réalisateur. Ouais. En tout cas, son frère, son vrai frère, le frère de Mohamed Mouftakir, est venu me voir après la projection. Il m'a félicité. Il m'a dit merci beaucoup parce que tu as bien représenté ma mère. Et je trouve que ça va. J'ai accompli mon travail. Ça c'est la première récompense, on va dire, pour ce film. Tout à fait. Et puis je pense que le public aussi a été très touché par tous les personnages. Et ça, je l'ai vu parce que quand la projection a été finie, je me suis retournée, j'ai trouvé toute la salle en train de pleurer. Donc je pense qu'on a fait aboutir notre projet. En tout cas, ce film donc sera bientôt à l'affiche, donc au niveau national. On tiendra les auditeurs au courant. On rappelle que c'est la toute dernière réalisation de Mohamed Mouftakir, donc l'Orchestre des Aveugles. On explique quand même que l'Orchestre des Aveugles, c'est parce que à cette époque-là, donc on organisait quelques fêtes. Voilà, on organisait des fêtes avec des orchestres populaires, Chérez, avec le groupe. Et comme c'était à l'époque, les Marocains étaient très conservateurs, il y avait des femmes dans des familles, on ne voulait pas que les membres de l'orchestre voient les femmes. Donc on choisissait des orchestres aveugles. Donc, on voulait pas qu'ils les voient danser et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'Orchestre des Aveugles, parce qu'il y a dans le film, on parle beaucoup de la chérette, la éta, il y a plein de trucs. Mais c'est aussi, moi, pour moi, le titre est très symbolique. Quand on dit orchestre, c'est l'orchestration de quelque chose. Et nous savons que le film parle de l'époque des années 70, d'une certaine époque politique du Maroc. Et il y a aveugle aussi. Ça aussi, c'est très important. Ouais. Donc, pour moi, la composition du titre, elle a un autre sens, un autre degré. Il y a la triche. Il y a la triche, parfaitement. C'est ça, en fait. Voilà, on triche. Bon, en tout cas, j'espère que le grand public aura le plaisir de découvrir cette toute dernière œuvre de Mohamed Mouftakir. On va se faire une petite pause et on revient au projet à venir de Mounaftou. A tout de suite sur Chaîne Inter. De l'info, du sport, de l'art, de la culture, laissez-vous guider. I'd build you a world to fit like a glove, and there you would rule and be queen. A world with no crying, bathed in the waters worn by stone, shot with love from volcanoes, drawn in a chariot pulled by Marlin through the ocean, gaily laughing. Seahorses ride ahead in formation, lady in waiting with the information. Dolphins race, spread word on the tide that you were coming like heaven. On va revenir à Mounaftou, parlons de l'avenir, parlons des projets. Cette année 2015, donc la sortie au niveau national du film de Mohamed Mouftakir, l'Orchestre des Aveugles, que nous prépare bien sûr Mounaftou. Parce que là, je m'adresse à l'actrice, sans oublier qu'il y a aussi l'animatrice télé. Ah. Alors, effectivement, le film va sortir, je pense, au courant de 2015, en janvier, ouais. Certainement. Pour ma part, j'ai des projets pour la télévision. J'ai des projets de téléfilms, de séries aussi pour Ramadan, parce que la saison commence bientôt. Alors. Donc, il y a ça. Par rapport à l'animation, vous savez que l'émission que j'anime, est arrêtée. C'est parce qu'on a fait une seule saison. C'était prévu comme ça. Donc là, c'est vrai que j'ai aussi des idées de faire d'animer d'autres émissions, mais pour l'instant, je préfère attendre et préparer les choses tranquillement. Voilà, en tout cas, je remercie Mounaftou d'avoir été avec nous et je te dis merci et à très très bientôt, Mounaftou. Ben, merci à toi et merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.

recette pour ce soir. Vous avez une question sur votre santé ou celle de vos enfants, ou sur un autre sujet vous préoccupant? Soyez des nôtres sur Chaîne Inter, tous les matins, entre 9h et midi. Family Mag et ses spécialistes répondent à toutes vos questions. Family Mag, le rendez-vous de la famille sur Chaîne Inter. Mason. Yeah, it's me, B. Brown. Bobby Brown. Listen, I wanted to talk to you about this song. Oh, you can talk to me all day. Let's do this song together that has lyrics. Let's do that it just means something like, listen, love. Come on. I know why you hesitate, burned by all the fake lovers that you had before. She down and gave you hate. You don't believe the things they say. Cause baby, you're a dream, you're a score. And I would walk a million miles for you, just to visit you, baby. And I'll show you a trillion stars. The moon is magnifique duo qui réunit deux super belles voix. Bobby Brown, qui est toujours, bien sûr, présent, qui est toujours sur la scène musicale avec Macy Gray, et c'est baptisé Real Love. Vous l'écoutez sur les ondes de Chaîne Inter, et les 17h passées de 34 petites minutes. Après avoir été longtemps courtier en matières premières à Wall Street, Jeff Koons se lance dans l'art, et tout de suite, le portrait de cet artiste hors du commun dans le journal du design. Bonjour, aujourd'hui dans le journal design, arrêt sur la grande carrière de Jeff Koons. Alors pour l'histoire déjà, en 1987, le centre Pompidou réunit dans une exposition de groupe 5 artistes, dont un jeune homme de 32 ans, enchanté de cette participation. Il s'agit de Jeff Koons. En 2000, dans une exposition de groupe intitulée « Au-delà du spectacle », un homme mature de 45 ans, toujours enchanté d'intervenir, c'est toujours Jeff Koons. Après avoir longtemps travaillé en matières premières à Wall Street, Jeff Koons se lance dans l'art en tant que vecteur privilégié de merchandising. Ses œuvres sont réalisées dans un atelier situé à Chelsea, près de New York, avec plus de 100 assistants. Il ne réalise aucune œuvre lui-même, mais impulse des idées qu'il faut exécuter par ses collaborateurs professionnels. Rabbit, comme il l'appelle, le lapin gonflable réalisé en inox en 1986, et ses Balloon Dogs sont aujourd'hui considérés par les plus grands collectionneurs comme François Pinault comme des œuvres emblématiques de la fin du XXe siècle. L'art de Jeff Koons peut être considéré comme le point de rencontre entre plusieurs concepts, les ready-mades de Marcel Duchamp, les objets du quotidien démesurés de classe Oldenburg, et Jeff Koons privilégie l'artisanat d'art et l'imagerie populaire. L'iconographie qu'il utilise est un catalogue de la culture populaire, non seulement américaine mais aussi mondiale. Jeff Koons s'approprie des objets et essaie de comprendre pourquoi et comment des produits de consommation peuvent être glorifiés. Tout au long de sa carrière, il a utilisé toutes sortes d'articles populaires, des aspirateurs, des ustensiles électroménagers, enfermés dans des caisses de plexiglas et éclairés de néons d'abord, puis de ballons de basket en suspension dans des aquariums. Ensuite, il travaille avec des bibelots et des souvenirs de bazar. Et enfin, et surtout, des jouets et des objets intimement liés à l'enfance. En 1991, Jeff Koons épouse la célèbre actrice Ilona Anna Staller, dite la Titioliana, avec qui il réalise des œuvres provocatrices et qui le font connaître du grand public. Le couple divorce en 1994, 2 ans après la naissance de leur fils Ludwig. La séparation a été empoisonnée par de longues batailles juridiques concernant notamment la garde de l'enfant, initialement donnée à Koons et plus tard transférée à la mère. Bref, Jeff Koons a été en quelques mois l'artiste vivant vendu le plus cher aux enchères avec Balloons Flower, vendu à 12 921 000 dollars par Christie's à Londres le 30 juin 2008. L'œuvre intitulée Poppy a été vendue à 29 millions de dollars selon Paris Match. Et pourtant, Koons dit qu'il n'est pas un bonhomme d'affaires. Je cite, « Je préfère penser que je suis un très bon artiste. » L'art contemporain de Jeff Koons à la cote juste après cette citation. « La pop culture étant dans l'art, désormais l'art est dans la pop culture. L'art est en moi », balance entre deux refrains la chanteuse Lady Gaga dans le titre « Applause », premier single de son album « Manifest ». Pour la pochette, la diva new-yorkaise a fait appel à Jeff Koons. L'artiste vivant le plus coté au monde, dont une pièce issue de la série des Ballon Dogs, a été vendue le 12 novembre pour 50 millions de dollars, un record. Pour la star de la pop, Lady Gaga est la deuxième musicienne la plus riche après Madonna et ainsi elle crée une vraie statue que Koons a photographiée puis intégrée dans un collage de bouts de toile emblématique de l'art renaissant. Lady Gaga y apparaît avec une grosse sphère bleue lustrée entre les mains, typique du travail de Jeff Koons. De l'info, du sport, de l'art, de la culture, laissez-vous guider. Still remains surrounded by walls.

Free Free, très belle chanson et surtout une magnifique voix, c'est celle de Hayley Reinhart que vous écoutez en exclusivité sur les ondes de Chaîne Inter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée à l'écoute de nos programmes, bien évidemment. Je rappelle que l'antenne est libre tout à l'heure à partir de 20h en compagnie de Fayrouz qui vous tient compagnie jusqu'à 23h. Et juste après, bien sûr, vous avez rendez-vous avec celle qui prend le relais comme tous les soirs, Tifa avec le Café Culture. C'est jusqu'à 20h et bien sûr, le retour de l'info est prévu dans une dizaine de minutes avec le point sur l'actualité de 18h et sans oublier bien sûr de remercier Fatem Zara Yassine à la réalisation et Mounir Louardi à la technique et bien sûr en vous remerciant vous amis auditeurs de votre fidélité. On finit en beauté avec Police bien sûr et la voix de Sting, Every Breath You Take, ça c'est du bon son qu'on écoute pour entamer la soirée sur Chaîne Inter. Voilà, vous l'avez sûrement reconnu, ça c'était Michael Jackson que vous écoutez sur chaîne Inter. Il est 18h. Rabia Malik, tout de suite, pour un point sur l'actualité. Bonsoir Hicham, bonsoir à tous. Pas d'augmentation du prix du pain tant que le blé tendre est subventionné. Les propos sont du ministre délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance, Mohamed Louafa, qui s'est voulu rassurant lors du forum de la MAP aujourd'hui à Rabat. De même, l'État continuera à subventionner le gaz butane. Monsieur Louafa a tout de même souligné qu'il s'agit d'une question épineuse, sachant que seulement 38% de cette matière est consommée par les ménages, alors que le reste est destiné au secteur productif. Le ministre a précisé à ce propos que le gouvernement allait engager une réflexion profonde pour pallier à cette problématique et trouver des alternatives. Coopération Maroc-Union européenne. L'Union européenne soutiendra de façon substantielle la politique migratoire du Maroc. Dans sa déclaration sanctionnant les travaux de la 12e session du Conseil d'association Maroc-Union européenne qui s'est tenue aujourd'hui à Bruxelles, l'Union européenne fait part de sa volonté d'appuyer le Maroc dans la mise en œuvre de cette politique, étant donné que le Royaume est le premier pays d'Afrique du Nord à adopter une véritable